الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 3 dans l'explication de Kitab al-Kaba'ir. C'est le sharh de Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et l'explication, c'est l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan. Donc on est rendu au chapitre. Les chapitres ne sont pas numérotés. Donc je vais seulement mentionner les noms des chapitres. On est rendu au chapitre Babun Akbarul Kaba'ir. Babun Akbarul Kaba'ir, c'est-à-dire le plus grand des grands péchés. في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans As-Sahihayn. Non, désolé. طيب, on commence donc. C'est un hadith donc rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans As-Sahihayn. Selon Abi Bakr, barakallahu fik. Selon Abi Bakr radiyallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vais-je pas vous informer du plus grand parmi les grands péchés? Les sahabes ont dit oui, hein, les sahabes ont dit certes, ô messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le plus grand des plus grands péchés, il a commencé, il a dit al-ishraku billah, c'est-à-dire al-shirk, hein, al-ishraku billah. Et il a dit wa uququl walidain, c'est-à-dire le fait d'être mauvais, d'être désobéissant envers ses parents ou d'avoir un mauvais comportement envers les parents. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسْ, c'est-à-dire il était allongé, hein, et il s'est assis à ce moment-là. C'est-à-dire il va dire quelque chose, mais là il s'est assis pour le dire. Il a dit, et n'est-ce pas la parole mensongère et le témoignage mensonger, hein? Et il dit, les sahaba ont dit, il a continué à le répéter. Ala qawlu zur, ala wa shahadatu zur. La parole fausse, la parole mensongère, le faux témoignage. Et il a continué à répéter ça plusieurs fois, jusqu'à ce que les sahaba se disent en eux-mêmes, si seulement ils pouvaient cesser. Si seulement ils pouvaient cesser de le répéter. Donc ça c'est le hadith en question. On va lire l'explication maintenant. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit « Arafna anna al-kaba'ir laysat sawa. Fa minha akbar al-kaba'ir wa minha ma huwa duna dhalik. » Donc il dit, on a su dans les cours précédents que les grands péchés ne sont pas tous égaux. Il y a parmi les péchés, parmi les grands péchés, il y a ceux qui sont akbar, qui sont plus grands, les plus grands parmi les grands péchés, et il y en a d'autres qui sont moindres, qui sont moins graves. Et il dit, وَالسَّبْعُ الْمُوبِقَاتِ هِيَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ سُمِّيَتْ مُوبِقًا لِأَنَّهَا تُهْلِكُ صَاحِبَهَا لقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات وقتل المحصنات المؤمنات الغافلات أو قذف أي نعم هذا خطأ هنا وقذف أي نعم طيب donc Cheikh Al-Fawzan il explique qu'il s'est dit il y a également les sept péchés yani parmi les plus grands péchés qu'on appelle al-mubiqat en arabe. Et al-mubiqat, on les appelle mubiqat, pourquoi? Parce qu'elles font périr la personne qui les commet. Hein? Et al-mubiqat, c'est ça que ça veut dire. Les sept péchés qui te font périr. Et c'est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit, écartez-vous des sept péchés qui vous font périr. Les sahabas ont dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que sont ces grands péchés? Quels sont ces grands péchés? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit premièrement ash-shirku billah, c'est-à-dire d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. As-sihr, la sorcellerie. Qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq, c'est-à-dire de tuer une âme, de tuer quelqu'un injustement sans qu'il y ait un droit de le faire. Et quatrièmement aklu riba, c'est-à-dire de prendre des intérêts ou de charger ou d'imposer à quelqu'un des intérêts sur un prêt ou d'exiger ou bien de payer des intérêts sur un prêt, oui. Donc aklu riba, c'est ça, de manger les intérêts, ça fait partie des grands péchés. Et cinquièmement aklu mal il yatim, de manger les biens des orphelins, l'argent qu'ils ont eu en héritage ou qu'on leur a laissé, tu manges leurs biens. Et sixièmement, at-tawalli yawm az-zahf, c'est-à-dire lorsque les musulmans rencontrent l'ennemi dans la bataille, dans la guerre, et toi tu tournes, tu t'enfuis, hein, au moment où les armées sont face à face, hein, de fuir. Hein, ça fait partie des grands péchés. Wa qadhf al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, c'est-à-dire d'accuser d'adultère ou de fornication les femmes préservées, hein, qui sont préservées par le mariage et qui sont croyantes et yani loin de ces choses-là, yani qui sont ghafilat, en voulant dire elles ne connaissent pas ce genre de mal, sont innocentes. Hein? Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, radiallahu anhu. Si quelqu'un, par exemple, ses parents sont morts, et lui, il est petit, et on lui a laissé des biens, une richesse ou de l'argent. Ses parents, quand ils sont morts, ils ont laissé pour lui une somme d'argent qu'il ne peut pas prendre jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de majorité, ou l'âge où il pourra être en mesure de gérer son argent. Toi, tu es la personne qui a la charge de cet enfant-là. Hein? Puis, tu prends de son argent. Et tu l'utilises pour faire tes affaires à toi. Après, l'enfant, il arrive à l'âge où il pouvait prendre son argent, mais il ne lui reste plus rien parce que tu l'as tout pris. Tu l'as mangé, son argent. Donc, ça, c'est un parmi les grands péchés. Yani, le frère, il a posé une question par rapport à les intérêts. Il a dit, est-ce que les intérêts, qu'est-ce qui est péché? C'est juste de manger, de prendre les intérêts, c'est-à-dire toi tu charges aux gens des intérêts. Mais ceux par exemple qui paient des intérêts, est-ce que aussi ils ont le même verdict par rapport à ceux par exemple qui veulent acheter une maison ou des choses comme ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a mentionné Akil riba wa mukilihi wa mukilahu wa shahidai wa qalahum sawa. Donc, dans les intérêts, c'est pas seulement celui qui charge de l'intérêt aux gens, mais même celui qui paye des intérêts, il est dans le péché, hein, lui aussi. Et les deux témoins qui ont témoigné du contrat, il est aussi, yani, dans le péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hum sawa. Ils sont tous égaux. Pourquoi? Parce que si, par exemple, toi, tu vas pas payer des intérêts, si personne va prendre un prêt à intérêt chez quelqu'un, la personne qui veut prêter à intérêt, elle pourra pas faire charger aux gens de l'intérêt, puisque personne ne prend de prêt à intérêt. Personne ne veut signer de contrat avec intérêt avec lui. Donc, en acceptant de signer le contrat pour payer des intérêts, c'est comme si tu acceptais de payer des intérêts, donc ça veut dire que tu encourages ce système. Hein? Et le système ne peut pas fonctionner sans que des gens participent. Hein? Donc c'est pour ça que yani, tous sont égaux là-dedans. Maintenant on a lu l'explication du hadith. Revenons, là le cheikh il va expliquer chaque partie du hadith. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر وأولها الشرك بالله وهو أعظمها على الإطلاق لأنه لا يغفر إلا بالتوبة وصاحبه مخلد في النار بخلاف الكبائر التي دون الشرك فإنها وإن عذب صاحبها في النار فإنه لا يخلد فيها وقد لا يعذب فيعفو الله عنه ولا يعذبه ولا يعذبه. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné parmi les plus grands, d'entre les grands péchés, le premier c'est le shirk billah, le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est-à-dire tu adores avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres que lui, en envoyant un culte ou en adorant ou en offrant à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration. Et ça c'est ash-shirk billah. Hein? Le fait d'associer avec Allah et de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shirk billah, c'est le plus grand de tous les péchés. Et on a expliqué dans les cours précédents, on a mentionné que c'est le seul péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt sur le shirk sans s'être repenti, il va être garanti à l'enfer éternel. Hein? C'est-à-dire que si quelqu'un il pratique du shirk, Allah ne va pas lui pardonner, sauf s'il se repent. Mais s'il meurt sans se repentir du shirk, c'est garanti qu'il sera en enfer pour l'éternité. Pourquoi je mentionne ça spécifiquement? Parce que certaines personnes pensent que yani, c'est le péché que Allah ne pardonne pas, en voulant dire que si quelqu'un commet le shirk, ça y est, yani, il est en enfer, il ne peut pas se repentir du shirk. Et ça, c'est une mauvaise compréhension. Parce que le shirk, on peut s'en repentir en devenant musulman, hein, en acceptant l'islam. Lorsque quelqu'un est kafir ou mushrik, et qu'il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, avec compréhension, avec foi, et qu'il l'applique, il applique la signification de ce témoignage, c'est sûr que, yani, il s'est repenti du shirk et Allah lui efface ses péchés, et c'est comme si il redevient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Hein? Mais s'il meurt sur le shirk sans se repentir, c'est là que il est garanti pour l'enfer éternel. Ensuite le cheikh il dit wa sahibuhu mukhalladun fi an-nar. Donc celui qui meurt sur le shirk, il est éternellement en enfer. Contrairement à celui qui a fait des grands péchés qui sont moindres que le shirk, hein, Alors dans ce cas-là, le cheikh il dit, c'est, si il est فَإِنَّهَا وَإِنْ عُذِّبَ, donc même s'il est châtié dans l'enfer, celui qui fait un grand péché qui est moindre que le shirk, même s'il est châtié en enfer, il ne va pas être éternellement en enfer. Hein? Et c'est possible même qu'il ne soit pas du tout châtié. Hein? Et que Allah lui pardonne et qu'il ne le châtie pas et qu'il le fasse rentrer au paradis directement. C'est possible. Parce que celui qui meurt sur une kabira parmi les kaba'ir, qui est moindre que le shirk, huwa fi mashi'atillah. Les ulama disent huwa fi mashi'atillah. In sha'a ghafara lahu wa in sha'a azabahu. Parce que celui qui Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Yaghfiru ma duna ash-shirk liman yasha. Faqad yaghfiru li fulan أو لشخص معين لأسباب وقد يعني يعفو عنه وقد يعذبه بدون توبة بمحض الرحمة بمحض الرحمة أو يوم الحساب. نعم, c'est possible que Allah سبحانه وتعالى juste pour exprimer sa miséricorde il lui fasse miséricorde, il lui pardonne, il le fasse rentrer au paradis. C'est possible qu'il le fasse rentrer au paradis aussi, comme on l'a mentionné déjà dans les cours précédents, à cause des expiations, soit qu'il a eu un had qui lui a effacé son péché, ou bien qu'il a eu des masa'ib qui ont fait que ça lui a effacé des péchés, ou bien peut-être qu'il a, par exemple, fait beaucoup de hasanat, un grand nombre de hasanat. Également, ça a été une cause pour effacer ses péchés. C'est possible aussi qu'il a eu Adab al-Qabr et que ça a effacé ses péchés. Et c'est possible aussi que s'il va en enfer et qu'il est mort sur une kabira parmi les kabair, il entre en enfer. Mais bien entendu, comme on a dit, s'il est mort sur une kabira, il ne va pas rester éternellement en enfer. Tant qu'il était mort sur le tawhid, Allah va le faire sortir. Mais c'est possible qu'il n'entre pas du tout, comme on l'a dit. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Oui, ça c'est un verset dans Surat An-Nisa, le verset 48. Et vous retrouvez aussi les hadiths qui parlent de Shafa'a. Les hadiths qui parlent de Shafa'a qui disent que toute personne, même celui qui a une atome de foi dans le cœur, Allah va le faire sortir de l'enfer. Hein? Il y a plein de hadiths comme ça qui mentionnent que Allah subhanahu wa ta'ala va dire faites sortir de l'enfer tous ceux qui ont un dinar ou un dirham, le poids d'un dinar de foi, ou le poids de sha'ira, ou le poids de. Il donne des différents poids jusqu'à ce qu'il arrive à zarra. Man kana lahu mithqal zarratin. من إيمان يعني أخر يعني يخرج من النار. Il le fait sortir de l'enfer puis il le fait rentrer au paradis. Donc celui qui fait un péché parmi les grands péchés qui est moindre que le shirk, il va pas demeurer éternellement en enfer, même s'il rentre en enfer, tant qu'il est mort sur le tawhid, hein, et il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va lui pardonner. Si Allah veut, il va le châtier. ثانياً عقوق الوالدين لأن الله جل وعلا لما ذكر حقه ذكر حق الوالدين قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فحق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى وعقوق الوالدين هو الإساءة إليهما من أكبر الكبائر بعد الشرك فهو الذي يلي الشرك والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique que deuxièmement, parmi les plus grands d'entre les grands péchés, il y a le fait d'être désobéissant envers les parents et de mal agir, d'avoir un mauvais comportement envers nos deux parents. Et pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il mentionne il a mentionné son droit, c'est-à-dire le droit qu'il a, qui est le droit exclusif son droit exclusif à l'adoration, hein, il a mentionné son droit exclusif à l'adoration, qui est le tawhid, puis tout de suite après, il mentionne d'être bon envers les parents. Ça veut dire que, en fait, comme par exemple dans le verset 36, dans Surat An-Nisa, le verset 23, dans Surat Al-Isra, on le retrouve, l'exemple de ça, وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorez Allah, et ne faites pas de shirk avec lui, n'associez rien avec lui, et la bonté envers les parents. Et dans l'autre verset qu'il a mentionné, le Cheikh, Allah a ordonné que vous n'adoriez rien excepté lui et d'être bon envers les parents. Donc, yani, c'est pour dire que le droit des parents vient directement après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le droit des parents, hein, il est très grand. Et le fait d'être mauvais envers les parents ou d'avoir un mauvais comportement, ça fait partie des plus grands péchés après le shirk. C'est un des plus grands parmi les grands péchés après le shirk, puisque c'est mentionné après, hein, le fait de ne pas faire le shirk. وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ. Donc il dit كَمَا أَنَّ حَقَّ الْوَالِدَيْنِ يَلِي التَّوْحِيدِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Donc de même que on voit que le droit des parents vient après le tawhid, eh bien, c'est mentionné comme ça dans plusieurs versets. وقوله في حديث الباب وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الزور هو الكذب. الزور هو الكذب. وسمي زورا لأن صاحبه يزينه ويزوره ويحسنه حتى يقبل. Donc, le cheikh, il explique que, après dans le hadith, dans le chapitre, il dit, et il était allongé, ou il était, yani, sur le côté, puis il s'est assis. Et il a dit, et, قول الزور, la parole mensongère et le faux témoignage. Hein, la parole mensongère et le faux témoignage. Et il l'a répété plusieurs fois jusqu'à ce que les sahabas se disent en eux-mêmes, si seulement ils se taisaient, si seulement ils cessaient. Et az-zour en arabe c'est le mensonge, et on l'appelle zouran, on l'appelle zour pourquoi? Parce que la personne qui yani, dit, qui témoigne ou qui dit cette parole de fausseté ou de mensonge, elle l'embellit et elle le fait paraître comme si c'était quelque chose de beau, comme si c'était quelque chose de bon, hein? لِأَنَّ صَاحِبَهُ يُزَيِّنُهُ وَيُزَوِّرُهُ وَيُحَسِّنُهُ حَتَّى يُقْبَلُ. Pour que les gens l'acceptent. Il falsifie, il change la vérité, il déforme la vérité d'une façon qui la fait paraître belle, pour que les gens l'acceptent. C'est ça, tazwir. Hein? Oh, le zour. Là, hada. Non. Ça, qu'est-ce que tu mentionnes? Shahada tuzur. Les gens pensent que ça se limite uniquement au tribunal. Et quand tu vas faire un témoignage dans le tribunal. Sauf que, qawl zour, ou shahada tuzur, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que seulement le faux témoignage. Et, d'accord. Inch'Allah, on va expliquer de toute façon. Le cheikh, il en parle encore. Il dit, fal kazib yuzawwar wa yuhassan wa yuzayyan hatta yadhunnuhu an-nas sidqan wa haqqan. Fa min a'zami qawl az-zur ash-shirk wa du'a' ghayri Allah 'azza wa jalla wa shahadatu az-zur hiya ash-shahadatu al-kadhiba. Wa min shahadati az-zur الشهادة التي يشهد بها عند القاضي لأجل أن يحكم للخصم بها فهذه الشهادة من أكبر الكبائر وقد تساهل الناس بشهادة الزور فقد أصبحت تدخل في معاملاتهم وخصوماتهم متجاهلين بذلك عظم حرمتها وما يترتب عليها من الوعيد الشديد كما ورد في هذا الحديث وغيره فهي من أكبر الكبائر بعد الشرك والذي يشهد لصاحبه شهادة من هذا النوع إنما يضره ولا ينفعه بهذه الشهادة لأنه أدخله عليه ما لا يستحق وأخذ الحق من صاحبه وتهاون بحق الله سبحانه وتعالى وشهادة الزور خطيرة جدا ولكنها أصبحت عند كثير من الناس من الأمور السهلة ولهذا ينبغي التنبيه والتحذير منها ومن عواقبها. Donc le cheikh il explique que shahadat al-zour, le faux témoignage ou bien la parole mensongère, parce que zour c'est beaucoup plus large, même que les ulama ils ont dit, comme par exemple dans le verset dans le Coran, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور. Certains des ulama, quand tu regardes dans le tafsir, shahadat al-zour, ils ont mentionné, yani shahadat يعني أعياد المشركين قالوا أعياد المشركين يعني les fêtes des مشركين les célébrations qu'ils ont ça rentre dans الزور. الزور ça peut être même certains parmi les ulama ils ont mentionné même regardez tout ce qui est faux qui est mauvais regardez les films regardez écoutez de la musique tout ça ils ont rentré dans الزور. Donc الزور les gens ils pensent que c'est seulement le faux témoignage mais c'est beaucoup plus que ça. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le ramadan on le mentionne souvent man lam yada' qawl az-zur wa al-amal bihi. Donc c'est-à-dire que celui qui ne laisse pas la fausse parole et le fait d'agir selon le qu'est-ce qui est faux. Et Allah n'a pas besoin qu'il laisse sa nourriture et son eau pour ça, ou de cesser de boire ou de manger pour ça, pour lui. Parce que la personne, elle ne délaisse pas les actions et les choses qui sont fausses. Mais le cheikh, il explique que de façon générale, c'est al-kadhib, puis après il donne des exemples, il dit, parce que qawl az-zur, la personne qui dit des paroles falsifiées ou des paroles mensongères ou des choses, des faux témoignages, elle essaie d'embellir le faux, d'embellir et de faire paraître le qu'est-ce qui est faux, de le faire accepter des gens, pour que les gens pensent que c'est la vérité, ou pour que les gens pensent que c'est vrai. Et donc c'est pour ça qu'il dit que parmi les plus grandes formes de faux témoignages et de fausses paroles, c'est le shirk. Il n'y a pas plus grave, plus faux témoignage que le témoignage du shirk. Et donc le fait d'invoquer par exemple d'autres que Allah, il y a des gens qui essaient de justifier ça et de faire accepter ça aux gens, de dire oui c'est correct, tu peux adorer les prophètes, prier les hommes pieux, adorer les hommes pieux c'est pas grave, c'est pas du shirk, a'udhu billah, tu vois. Donc ça fait partie de qawl az-zur. Et également parmi les formes de qawl az-zur, il y a les faux témoignages et par exemple il donne l'exemple du témoignage auprès du juge quand tu vas au tribunal. Il dit, quand il y a un conflit ou une dispute entre deux personnes, eh bien, toi tu vas mentir pour être en faveur de, pour aider quelqu'un. Tu vas faire un faux témoignage en sa faveur pour l'aider, soi-disant. Il dit, le cheikh, il dit ça fait partie des plus grands parmi les grands péchés. Et les gens aujourd'hui, ils ont pris ça à la légère. Les gens, ils ont pris ça à la légère et c'est devenu quelque chose qui rentre même dans les interactions, le commerce. Et quand ils ont des conflits et des disputes avec les gens, ils se permettent de faire des faux témoignages. Et c'est devenu quelque chose, les gens, ils comme s'ils dénigrent, ou ils voient ça comme si c'était petit. Ils ne voient pas la grandeur du péché. Ouais, ils négligent ou bien ils sont indifférents, insouciants, ils ne prennent pas attention à la gravité de ce péché-là et tout ce qu'il y a comme conséquence et comme répercussion des menaces sévères de châtiments qui sont mentionnées dans ce hadith et dans d'autres hadiths aussi à propos de shahadat al-zour. Donc ça fait partie des plus graves parmi les grands péchés après le shirk. Et le cheikh il dit que celui qui fait un faux témoignage pour son ami, pour son compagnon, il ne fait que lui faire du tort en réalité. Il ne lui fait pas du bien. avec ce faux témoignage. Et il dit que pourquoi? Parce qu'il lui donne ou il lui fait obtenir ce qu'il ne mérite pas, ce qui ne fait pas partie de son droit. Et il lui fait prendre le droit de quelqu'un d'autre. Donc, ça c'est quelque chose de grave. Et donc, celui qui prend ça à la légère, c'est comme s'il a pris le droit d'Allah à la légère. Et celui qui témoigne de ce genre de témoignage falsifié, de faux témoignage, eh bien, ça montre à quel point c'est un grave péché. Et le cheikh, il dit que c'est quelque chose qui est devenu répandu et les gens prennent ça facile aujourd'hui. C'est comme si c'est rien, hein, comme si c'était pas grave. Non, on peut rentrer ça aussi parce que c'est des faux témoignages. C'est des faux témoignages. Et je te donne l'exemple, qu'est-ce que le cheikh il dit. Il dit qu'il faut mettre en garde contre ce genre de choses et avertir les gens contre ça. Et il dit وَمِنْهَا التَّزْكِيَاتِ الْبَاطِلَةِ فَالَّذِينَ يُزَكُّونَ الشَّخْصِ وَهُوَ غَيْرُ أَهْلٍ لِلتَّزْكِيَةِ يدخل في باب شهادة الزور فأنت إذا زكيت شخصا بأنه طيب وخلوق وأنه وصاحب دين وهو ليس كذلك فهذا مما لا شك فيه أنه من شهادة الزور والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit la même chose aussi. Quand tu fais des fausses recommandations, tu parles en bien d'une personne, tu dis cette personne elle est bien, alors qu'en réalité, elle ne fait pas partie des gens qui méritent cette recommandation-là. Et donc, tu dis, elle, cette personne, tu dis, elle est bonne, elle a un bon comportement, c'est une personne religieuse, et ainsi de suite. Et en réalité, elle n'est pas telle que tu l'as décrite. Donc, le cheikh, il dit ça, il n'y a pas de doute que ça fait partie des faux témoignages. Et aussi le contraire, le cheikh il mentionne cet exemple-là, mais tu peux dire le contraire aussi. Si quelqu'un est un bon musulman qui est sur la sunna, puis toi tu dis de lui du mal, ça aussi c'est un faux témoignage. Donc ça c'est des choses qui rentrent dans Shahadatul Zur aussi. Donc ça c'est qu'est-ce qui vient compléter donc ce chapitre. Le chapitre suivant, Babun Kaba'irul Qalb. Kaba'irul Qalb, c'est-à-dire les grands péchés qui sont commis ou qui sont faits par le cœur. An Abi Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. C'est un hadith rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne regarde pas vos formes, vos formes physiques et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos sourds, vos images, votre apparence physique, vos formes, comment il vous a formé, ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres et vos actions. Et le cheikh il explique ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim. Il dit Al-kaba'ir tanqasimu ila qismain. Les grands péchés se divisent en deux catégories. Al-awwal kaba'irul jawarih kaz-zina was-sariqa wa qatl an-nafs. Was-thani kaba'irul qulub. مثل الكبر والحسد. Donc le cheikh il dit que les grands péchés se divisent en deux catégories. La première, les grands péchés qui sont commis par le corps, comme la fornication, l'adultère, le vol, le meurtre. Et la deuxième catégorie, les grands péchés qui sont commis par le cœur, comme al-kibr. La fierté, l'arrogance, l'orgueil, la jalousie, al-hasad. Donc le cheikh dit: فَكُلُّ مِنَ الْكِبْرِ وَالْإِخْتِيَالِ وَالْعُجْبِ وازدراء الناس واحتقارهم والحسد وبغض الحق وحب المنكر هذه من أعمال القلوب. Donc le Cheikh il dit tous les exemples qu'on a mentionnés comme l'orgueil, le fait d'être ébloui par soi-même, de s'aimer soi-même, de mépriser les autres, de les rabaisser dans ton cœur, d'avoir de la jalousie, de détester la vérité, d'aimer le faux, ça c'est des actions du cœur, c'est des grands péchés. Des fois les gens ils oublient les péchés du cœur, ils donnent beaucoup d'attention aux grands péchés du corps, mais ils ne réalisent pas que parfois les grands péchés du cœur sont plus graves que les grands péchés du corps. Ça dépend. Il y a des moubiqats qui peuvent être avec le corps et d'autres avec le cœur. Comme le shirk. Tu peux faire le shirk juste avec ton cœur, sans faire aucune action. Les gens, ils pensent que le shirk, c'est juste le shirk que tu fais avec tes paroles ou tes actions. Mais tu peux faire du shirk même dans ton cœur seulement, sans faire aucune action, aucune parole. Dans ta aqida. Par exemple, dans ton cœur, tu crois que Allah, il a un fils. Ou bien tu crois en la Trinité. Ou bien, tu nies des attributs d'Allah. Ça, c'est du shirk, c'est du kufr. Pourtant, tu n'as pas fait aucune action. T'as dit aucune parole. Mais juste d'y croire, c'est du kufr et du shirk. Donc, les actions du cœur, c'est parfois plus grave que celles du corps. Et ça, on oublie. Donc, le Cheikh, il dit, « وَأَمَّا الْحَدِيثَ الَّذِي سَاقَهُ الْإِمَامِ رَحِمَهُ اللَّهِ فإنه يبين أنه فإنه يبين أن الله جل وعلا لا ينظر نظر اعتبار وجزاء لا ينظر إلى الأجسام وجمالها مع فساد القلوب فربما يكون العبد جميل الجسم جميل المظهر ولكن قلبه فاسد فاسق فالله لا ينظر إليه نظر إكرام ونظر رحمة وإنما ينظر إليه نظر غضب ولهذا قال تعالى في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فهم جميل المظهر والهيئة ولكن قلوبهم فاسدة ثم قال وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة أي يعجبك قولهم لجماله وفصاحته فليست العبرة بجمال الجسم وفصاحة القول فقد يكون جسم المرء دميما ومحتقرا عند الناس ولكنه كريم عند الله لأن قلبه طيب وهو مؤمن صادق مع الله جل وعلا. Donc le Cheikh il dit le hadith que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce chapitre, il l'a mis, pourquoi il l'a mis dans ce chapitre? Au sujet du fait que Allah ne regarde pas vos apparences et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions, parce que ça clarifie que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas nos formes extérieures et nos corps et la beauté de nos corps d'un regard qui a une importance ou d'un regard sur lequel il y aura une rétribution. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te récompenser parce que tu es beau, ou te punir parce que tu es laid, ou des choses de ce genre. C'est pas ça qu'il va tenir compte, c'est pas de ça qu'il va tenir compte par rapport à la rétribution. C'est pas de ça qu'il va tenir compte par rapport à la rétribution au jour de la résurrection. Parce que si tu as une belle apparence, et physiquement tu es bien formé, mais que ton cœur est corrompu, même si le serviteur ou l'homme ou la femme elle a une belle apparence physique, un corps qui a une belle apparence, mais que son cœur est corrompu et qu'il est pervers, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le regarder d'un regard de noblesse ou un regard de miséricorde, mais il va le regarder d'un regard de colère. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surat Al-Munafiqin, dans Surat Al-Munafiqun, le verset 4. Et si tu les regardes, eh bien leur corps te plaît, hein, leur corps, leur apparence te plaît, hein, c'est, ils ont une apparence plaisante, hein, ils sont beaux, ils ont une belle apparence, mais leurs cœurs sont corrompus. Et il dit, et si ils parlent, tu écoutes leurs paroles, hein. Comme il dit, et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles, c'est-à-dire, yani, leurs paroles te plaît, parce qu'ils parlent d'une manière qui est plaisante et ils sont éloquents quand ils parlent. Il dit que كأنهم خشب مسندة, comme si ils sont comme des bûches appuyées contre le mur. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ils sont comme des bûches appuyées contre le mur, des bûches de bois qu'on accote sur le mur, hein? Et donc tu es ébloui par leurs paroles, par la beauté de leurs expressions, comment ils s'expriment bien, comment ils parlent bien. Mais il dit, l'important c'est pas de regarder la beauté du corps ou l'éloquence de la parole, parce que c'est possible que le corps de la personne soit d'une laide apparence, une apparence laide, et que les gens méprisent la personne pour sa laideur ou du fait qu'elle n'est pas belle, mais qu'elle soit une personne noble et honorée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le cœur de cette personne-là est bon, hein, et qu'il est croyant, sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, وَلِهَذَا يَقُولُ صلى الله عليه وسلم رُبَّ أَشْعَثَ رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره فليست العبرة بالمظهر وإنما العبرة بالمخبر وكذلك الأموال فهي ليست محل اعتبار عند الله تعالى. Donc c'est un hadith, le cheikh il dit, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira, que c'est possible qu'une personne qui est, yani, ash'ath, yani, ses cheveux sont pas peignés, hein, et il est repoussé devant les portes. Quand il vient aux portes, on le rejette, on le repousse. Mais s'il jure, hein, que Allah va faire quelque chose, Allah va l'exaucer. Hein, Allah va l'exaucer. Donc c'est pour dire, c'est pas l'apparence qui va faire en sorte que quelqu'un soit noble ou non, ou que quelqu'un, Allah va l'aimer ou non. C'est pas son apparence physique, son apparence vestimentaire, son apparence, hein, sa beauté ou son charme ou des choses comme ça. Ça n'a aucune importance. L'important c'est la réalité de la personne, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur, comment elle est envers Allah subhanahu wa ta'ala et ses œuvres. Hein, ses œuvres. Parce qu'il y en a qui, parfois, ils font juste attention à la partie qui dit que Allah regarde nos cœurs. Mais tu vois que c'est les gens qui font tout ce que Allah a interdit et qui s'écartent de tout ce que Allah a ordonné. Ils disent, moi, j'ai la foi dans le cœur, c'est ça l'important. Mais Allah, il dit, mais le prophète, sur l'ensemble, il dit aussi, et vos œuvres. Donc, ça veut dire que c'est pas juste ton cœur qui compte. Si tu as des mauvaises œuvres, eh bien là, tu peux pas prétendre que ton cœur est bon. Hein? Et non, comme les Mourjia, hein? Comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ala wa inna fil jasadi mudra idha salahat salaha al jasadu kullu idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Il y a dans le corps un morceau, hein, une partie, et si il est bon, le reste du corps sera bon, et s'il est mauvais, le reste du corps sera mauvais, et c'est le cœur, hein. Donc, par rapport à... Non, toi, tu veux faire allusion à d'autres... À qu'est-ce qu'on parlait là, il y a deux cours, là. Oui, non, c'est ça. Tasdir, ça veut dire de croire avec le cœur. Oui. Mais c'est pas suffisant pour avoir la foi. Parce qu'on sait que les actions font partie de la foi, pas seulement la croyance du cœur. On a parlé de ça. Donc, le hadith ici, il dit que Allah regarde vos cœurs et vos œuvres. Et vos œuvres. Donc, ça vient confirmer que les œuvres font partie de la foi. Pas seulement la foi, la croyance du cœur, contrairement à la croyance des Murji'a. Donc, le cheikh il dit ensuite, de même que les biens, la richesse, c'est-à-dire Allah il regarde pas juste l'apparence, et Allah il regarde pas votre apparence, et il regarde pas vos biens. C'est pas ça que Allah prend en considération pour vous juger. Nous dans cette vie d'ici-bas, hein, parfois on trouve que les hommes ils se jugent les uns les autres ou ils se donnent un statut dans la vie les uns aux autres par rapport à combien d'argent ils ont, par rapport à leur richesse, hein, combien d'argent ils possèdent, combien de richesses ils possèdent, combien de biens ils possèdent, et c'est ça qui fait que quelqu'un pour eux est noble ou non. Si quelqu'un a beaucoup d'argent, il est noble. Même si la personne, c'est un pervers, c'est quelqu'un qui s'éloigne des obligations d'Allah et qui fait tout ce qu'Allah a interdit, c'est pas grave. Du moment qu'il a de l'argent, il est noble. Non. Hein? Et le cheikh il dit, وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى وقال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فمحل الاعتبار عند الله ليس جمال المظهر ولا جمال القول ولا كثرة المال ولا علو المنصب وإنما الاعتبار بالقلب فالله تعالى ينظر إلى القلب وإلى العمل الصالح حتى وإن كان صاحب القلب الطيب والعمل الصالح لا يملك منظرا يغري الناس ويعجبهم بل ربما يكون محتقرا عندهم وهو كريم على الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il mentionne dans le Coran, comme par exemple dans sourate Saba, le verset 37, il dit, ce n'est pas vos biens, ni le nombre d'enfants que vous possédez, qui peut vous rapprocher plus auprès de nous. Et il mentionne également le verset 55, dans sourate Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, alors, ne sois pas ébloui par leur richesse, par leurs biens, ni par le nombre de leurs enfants, s'ils ont une grande famille. Allah veut uniquement les châtier par ces biens-là et par ces enfants-là, dans la vie d'ici-bas, et il veut leur enlever leur âme alors qu'ils sont mécréants. Dans le verset 55, non? Surat At-Tawbah. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala donne de la richesse à quelqu'un et des enfants pour le châtier, et non pas pour le récompenser. Alors que parfois les koufars ici, hein, ils pensent que le fait d'avoir de l'argent et d'avoir, hein, beaucoup de biens et beaucoup d'enfants, que ça c'est un signe que Allah les aime. Et ça ne veut pas dire ça. Hein? Il dit, يعني إنما يريد الله ليعذبهم بها. Donc la richesse, parfois ça peut être une ni'ma, et parfois ça peut être une niqma. Parfois ça peut être une ni'ma, parfois ça peut être un châtiment. Mais les gens, ils pensent que l'argent, c'est automatiquement une récompense et que c'est automatiquement une grâce. Ça dépend. Ça dépend comment tu l'as obtenu, ça dépend comment tu l'as utilisé. Ça dépend ce que tu fais avec. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Et après, il dit donc, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala prend en considération? Ce n'est pas la beauté de l'apparence, ni la beauté des paroles de la personne, ni la quantité de biens, ni le niveau élevé de son statut social, mais il tient uniquement compte et il prend uniquement en considération le cœur, et Allah subhanahu wa ta'ala donc il regarde le cœur et il regarde les œuvres, les bonnes œuvres de la personne, et donc si la personne elle a un bon cœur et des bonnes œuvres, et qu'elle a une apparence qui ne plaît pas aux gens, qui ne les attire pas, et que, ou bien une femme, la même chose, si c'est une femme, elle n'a pas une belle apparence, et puis elle ne plaît pas aux gens, hein, dans son apparence physique, peut-être même que les gens vont la mépriser, ou vont le mépriser, mais auprès d'Allah, c'est une personne qui est noble, une personne qui est noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour dire que, surtout ça, on voit ça chez les femmes, parce que les gens considèrent parfois que même la beauté d'une femme c'est comme une richesse, hein? Que la beauté d'une femme c'est comme une richesse, et même que la femme elle-même, si elle sait qu'elle est belle ou qu'elle est attirante, qu'elle pense que ça aussi c'est qu'elle est riche ou qu'elle est bien, hein? Dans le sens que Allah l'aime parce qu'il l'a créée belle. Non, c'est une épreuve, c'est un test. Et donc si la personne, elle a une belle apparence, mais qu'elle est, elle est pas bonne dans son cœur, elle fait pas les bonnes œuvres, cette beauté-là ne vaut rien, ne veut rien dire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui compte, qu'est-ce que Allah va regarder, c'est la beauté, yani, de la foi et des actions. Et quelqu'un peut être beau extérieurement et beau intérieurement. Et d'autres peut être, une autre personne peut être laide extérieurement, mais belle intérieurement. Et d'autres peuvent être laide extérieurement et laide intérieurement aussi. Hein? Donc, si quelqu'un il est beau ou belle, intérieurement et extérieurement, ça c'est le mieux. Alhamdulillah. Mais si elle est laide extérieurement et qu'elle est belle intérieurement, ça, alhamdulillah, c'est le plus important. Et sinon, si elle est belle extérieurement et laide intérieurement, ça n'a aucune valeur, hein? Ça ne va rien lui rapporter au jour de la résurrection. Et ça, l'imam Ibn al-Qayyim en a parlé dans son livre Rawdatul Muhibbin, hein? Il mentionne ces choses-là. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre hadith, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il mentionne un autre hadith, le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure justement, عن النعمان ibn Bashir رضي الله عنهما مرفوعا, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. C'est-à-dire que c'est rapporté selon An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit, il y a dans le corps un morceau, s'il est bon, le corps entier sera bon. Et s'il est mauvais ou corrompu, le corps entier sera corrompu, et c'est le cœur. Hein, certes, il y en a que c'est le cœur. Et il mentionne le Cheikh Al-Fawzan à ce sujet, il dit, « هذا الحديث يدل على أهمية صلاح القلب » وأن العبرة ليست بجمال الجسم وإنما العبرة بالقلب فهي المضغة وهي اللحمة هي صغيرة بالنسبة للجسم وإنما هي محل الاعتبار عند الله عز وجل. Donc le cheikh il dit ça nous montre l'importance de d'avoir un cœur qui est bon, d'avoir un bon cœur, et que qu'est-ce qui est important, c'est pas d'avoir une apparence physique qui est belle, mais d'avoir un cœur qui est bon. C'est ça le plus important. Et c'est un morceau de chair, hein, un morceau de chair qui est dans le corps, qui est très petit par rapport au reste du corps humain, mais c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala a mis toute l'importance de l'être humain. C'est pour ça que le cœur de la personne, c'est fondamental de le protéger, de le préserver, hein, et de le préserver de différentes manières. Le cheikh il dit, من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الطويل ولفظه عند مسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور أو بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. C'est un hadith c'est une partie d'un hadith. Quand on dit qu'il y a dans le corps un morceau, s'il est bon, le reste du corps sera bon, c'est une partie du hadith de An-Nu'man ibn Bashir qui est, hein, quand on le lit au complet, il est rapporté par l'imam Muslim, ça dit que le halal, il est clair. Qu'est-ce qui est halal, c'est clair. Et qu'est-ce qui est haram, c'est clair. Mais entre les deux, il y a des choses qui sont douteuses, que la plupart des gens ne connaissent pas. D'accord ? Alors il dit, celui qui s'est préservé des choses douteuses, il a préservé sa religion et son honneur. Mais celui qui est tombé dans les choses qui sont douteuses, il tombe dans le haram. Comme un berger qui va avec son troupeau pour faire pâtre les moutons auprès d'une clôture, c'est, disons qu'il y a une clôture ici, et les moutons ne doivent pas pâtre dans l'autre côté de cette clôture-là. Mais toi, tu es un berger, tu amènes ton troupeau juste au bord de la clôture. Hein? Si tu les amènes à cet endroit-là, eh bien, les moutons risquent d'aller manger de l'herbe de l'autre côté de la clôture. Hein? Donc, il dit il vient pour pâtre son troupeau auprès de la clôture. C'est possible qu'il va, c'est possible qu'il va faire pâtre son troupeau dans l'autre côté de la clôture où il n'a pas le droit. Eh bien, il a donné cet exemple-là pour expliquer les limites d'Allah. Hein? Il dit Ala wa inna li kulli malikin hima, ala wa inna hima Allahi maharimuhu. C'est-à-dire que chaque roi, il a des limites, et les limites d'Allah sont ses interdictions. Donc, toi, tu t'approches trop des choses douteuses, de la zone grise, comme on dit, hein, eh bien, tu risques de tomber dans le haram. Il y a qu'est-ce qui est blanc, qui est halal, et il y a qu'est-ce qui est noir, qui est haram, puis entre les deux, il y a du gris. Toi, tu vas proche des zones grises. Eh bien, c'est possible qu'à force de rester trop près des zones grises, tu vas tomber dans le haram. Donc, c'est ça que le hadith mentionne ici. Et la plupart des gens ne connaissent pas la différence entre les zones grises et qu'est-ce qui est noir. Hein? Donc, entre les mutashabihat et le haram. Ils ne voient pas la différence. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut s'écarter de ça pour préserver son honneur et sa religion. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a dans le corps un morceau, s'il est bon, le reste du corps sera bon, et s'il est mauvais, est corrompu, et le reste du corps sera corrompu, et ça c'est le cœur. Yarhamukallah. Le cheikh al-Fawzan il dit, فَقَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُدْغَى أَيْ قِطَعَةُ لَحْمٍ إِذَا صَلَحَتْ بأن صارت قلبا سليما طيبا معتبرا ذاكرا لله عز وجل خائفا منه خاشعا له محبا للخير وأهله مبغضا للشر وأهله فهذا هو القلب السليم كما قال تعالى يوم لا تنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال في إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم سليم لله عز وجل من الشرك والغش والكبر والخداع والمكر وغير ذلك من آفات القلوب فإذا صلحت أعمال الجوارح فهذا دليل على صلاح القلب وإذا فسدت أعمال الجوارح فهذا دليل على فساد القلب لأن القلب ملك الجوارح وإذا صلح الملك صلحت الرعية والعكس صحيح. Donc, le cheikh, il explique que Al-Mudra, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire un morceau de viande, un morceau de chair. Et ce morceau-là, s'il est bon, c'est-à-dire qu'il est devenu bon, et c'est-à-dire, qu'est-ce qui manifeste que c'est un cœur qui est bon, c'est que c'est un cœur qui se rappelle d'Allah, se souvient d'Allah, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui est humble envers Allah, qui aime le bien et les gens du bien, et qui déteste le mal et les gens du mal. Ça, c'est le cœur qui est propre, le cœur qui est en bonne santé, le cœur qui est sain. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 88 et 89, dans Surat al-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le jour où les biens et les enfants ne seront d'aucun profit, aucun bien, ne pourront te faire aucun bien, ne pourront pas te profiter, aucune d'utilité ou d'aucun bien, excepté celui qui vient à Allah avec un cœur saint, un cœur propre. Hein? Donc, c'est seulement ça qui pourra te sauver au jour de la résurrection. C'est pas ton argent, c'est pas tes enfants, hein, mais c'est est-ce que ton cœur il est propre, est-ce qu'il est saint. Et Ibrahim alayhi salam dans sourate As-Saffat, le verset 84, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie lorsqu'il vient à son Seigneur avec un cœur saint, un cœur propre, hein, salim, en bonne santé. Et donc, quand il était salim, le cœur d'Ibrahim, il était saint, il était propre de, dans le sens qu'il n'est pas, il n'y a pas de shirk dedans, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de, de tricherie dedans, il n'y a pas de, d'arrogance dedans, il n'y a pas d'orgueil dedans, il n'y a pas de trahison dedans, il n'y a pas de ruse dedans. C'est un cœur propre, saint, nettoyé, hein, nettoyé de toutes les maladies du cœur. Nettoyé, propre de toutes les maladies du cœur. Le surat 84 dans As-Saffat, le verset 84 dans surat As-Saffat. Naam. Et en passant ici, si vous voulez plus de détails là-dessus, l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il parle des cœurs, hein, dans le livre Irasatul Lahfan, Irasatul Lahfan, au début de Irasatul Lahfan, il parle de al-qalb. Il parle de, du cœur, il le divise en trois. Al-qalb al-salim, al-qalb al-saqim, ou al-qalb al-mayyit. C'est-à-dire le bon cœur, cœur qui est propre, qui est sain, le cœur qui est malade, et le cœur qui est mort. Ça, c'est les trois états des cœurs qui sont mentionnés dans le Coran. Le cœur qui est propre, qui est sain, le cœur qui est malade, et le cœur qui est mort. C'est les trois états des cœurs. Hein? Naam. Donc, il dit le cheikh ici ensuite, donc que si ton cœur il a été réformé, que tu fais des bonnes... Non, il dit si tu fais des bonnes œuvres, c'est la preuve que ton cœur il est bon. Si ton cœur et si tes actions sont corrompues, c'est la preuve que ton cœur est corrompu. Il dit لِأَنَّ الْقَلْبِ, parce que le cœur c'est le roi, hein, c'est le roi du corps. Le cœur par rapport à ton corps, c'est comme le roi, hein, par rapport à son royaume, ses armées, ses soldats, hein. Donc ton cœur c'est le roi de ton corps, et tes membres c'est comme les soldats, hein, et les ministres, hein, ceux qui sont sous les commandements du roi. Donc si tes membres ils font des mauvaises choses, c'est parce que ton cœur il les a ordonnés de le faire, hein. Si ta main frappe quelqu'un, est-ce que tu as dit « Ah, ça, c'est la faute de ma main, hein, je m'excuse. C'est pas, moi, je voulais pas. Mon cœur, il voulait pas te frapper, mais ma main, elle voulait te frapper tout seul. » Non, c'est pas comme ça. C'est ton cœur qui a voulu ça. Donc, ton cœur, il est le roi. Quand il ordonne quelque chose aux membres du corps, eh bien, eux, ils agissent. Hein? Donc, quand tu fais des péchés, c'est ton cœur qui a voulu les pousser à faire ce péché-là, qui les a ordonnés de le faire. Donc, le cœur, il est le roi par rapport au corps. Et donc, si le cœur, il est bon, le reste sera bon. Si le cœur, il est mauvais, le reste sera mauvais. Et le cheikh, il dit, c'est la même chose avec, yani, dans, par exemple, le roi, si le roi, il est bon, la population sera bonne. Il dit le contraire, c'est vrai aussi. Si le cœur il est mauvais, ben le reste sera mauvais. Et il dit wa kadhalika al-qalbu fil jism. Hein? Kadhalika al-qalbu fil jism, wa li hadha kana sallallahu alayhi wa sallam yukthiru min ad-du'a bi qawlihi ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. والراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالقلب هو الأصل وهو مصدر الخير والشر ومصدر الصلاح للجسم والفساد. Donc le cheikh il dit que le corps, c'est comme ça, le corps dans le cœur par rapport au corps, c'est comme ça. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cette raison là qu'il faisait souvent l'invocation en demandant à Allah, oh notre Seigneur, hein, notre Seigneur ne fait pas, il disait oh notre Seigneur, en voulant dire, Ya muqallib al-qulub, c'est-à-dire ô toi qui contrôle les cœurs et qui les change, raffermis mon cœur sur ta religion. Ô toi qui as le contrôle des cœurs et qui les change, qui les tourne, raffermis mon cœur sur ta religion. Ça, c'est un dua qui est mentionné par l'imam Ahmad et Ibn Majah et An-Nasa'i, selon le hadith de An-Nu'man ibn Bashir. C'est dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Al-Qulub, Qulub al-Ibad, Bayna Asbu'ayn, Min Asabi al-Rahman, Yuqallibuha Kayfa Yasha. Les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts, entre les doigts du tout miséricordieux. Il les change, il les tourne comme il veut. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait constamment, ô toi qui fais tourner les cœurs, eh bien, raffermis mon cœur et yani, mets-le, fais qu'il soit ferme sur ta religion, sur ton obéissance. Et les gens qui sont fermement enracinés dans la science, ils disent dans l'invocation qui est mentionnée dans Surat Al-Imran, verset 7, ô notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Donc le cœur, c'est la base. Et c'est la source, c'est la source d'où vient le bien et le mal de nos actions et de nos paroles. Et c'est la base et la source du bien dans le corps. Et la source de la corruption aussi. Donc si tes actions sont mauvaises, eh bien ça veut dire ton cœur il est mauvais. Si tes actions sont bonnes, ça veut dire ton cœur il est bon. Le cheikh il dit وَرُبَّمَا تَسْأَلْ بَعْضُ الْمُغَالِطِينَ أَوْ الْمَغْرُورِينَ فَتَقُولُ فَتَقُولُ لَهُ لِمَاذَا تَحْلِقُ لِحْيَتَكَ لِمَاذَا لَا تُصَلِّي ونحو هذه الأسئلة المتعلقة بالفرائض الشرعية والسنن الشريفة فيقول الإيمان في القلب وربما يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم نعم الإيمان في القلب ولكن إذا كان في القلب إيمان صلح العمل وصلحت الجوارح وحلق اللحية وترك الصلاة ونحو ذلك من الذنوب وإنما هو فساد يدل على أن القلب فاسد وفي المقابل فإنه إذا صدر عن الجوارح وعن الجسم أعمال طيبة فهذا دليل على أن القلب صالح وهذا من بعض المعاني التي يحملها قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله. Donc le cheikh il dit que peut-être que certaines personnes tu vas demander à des gens pourquoi tu rases ta barbe ou bien pourquoi tu pries pas, pourquoi tu fais pas la salat, c'est des questions qui sont rattachées aux obligations religieuses dans la sharia et aux sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu demandes et la personne elle te répond, la foi est dans le cœur. Donc ils prennent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il parle de l'importance du cœur et ils essaient de se justifier du fait qu'ils ne fassent pas, qu'ils ne font pas les bonnes œuvres ou qu'ils font des péchés par le fait de dire que nos cœurs sont corrects, sont bons. Et l'important c'est le cœur, c'est pas les actions, c'est pas le corps. Qu'est-ce qu'on fait avec notre corps? Et le cheikh il dit peut-être même qu'ils vont citer comme preuve ou comme argument la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit at-taqwa hauna, la piété elle est ici, et il a pointé vers sa poitrine en voulant dire le cœur. Et ça c'est un hadith qui mentionne ça, rapporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, wa yushiru ila sadrih. Il dit la piété est ici, la piété est ici, la piété est ici, et il pointe vers son cœur. Le cheikh il répond à ça, il dit oui c'est vrai que la foi est dans le cœur, mais si il y a de la foi dans le cœur, les actions seront bonnes. Hein? Et le corps va faire des bonnes œuvres et va être bon aussi. Mais de raser la barbe et d'abandonner la salat et des choses de ce genre, il dit ça fait partie des péchés. Hein? Donc, la corruption dans les actions et les péchés, ça indique que le cœur il est corrompu. Donc si la personne elle rase sa barbe, c'est la preuve que le cœur il n'est pas propre. Il est corrompu parce qu'il désobéit. Et si la personne elle laisse la salat, c'est la même chose. Ça montre que son cœur il n'est pas propre. Il n'est pas corrompu. Et il y a de la corruption dedans. Et par opposition à ça également, eh bien celui dont les œuvres sont bonnes et les paroles sont bonnes, eh bien ça c'est la preuve que son cœur il est propre, que son cœur il est bon. Hein? Et la différence, ou la chose qui serait en contradiction avec ça, ce serait le cas du munafiq. Du munafiq, l'hypocrite. Celui qui montre des bonnes choses, mais qui cache la mécréance dans son cœur. Hein? Mais sinon, en temps normal, la personne qui montre du bien et qui fait des bonnes œuvres, ce sera le mu'min. Hein? Des fois, il y a des gens, ils ont une mauvaise compréhension de certaines notions islamiques. Comme par exemple, ils disent « Ah, moi, je ne veux pas prier à la mosquée. Par exemple, je veux prier chez moi parce que je ne veux pas faire ria. » Ou « Je ne veux pas porter la barbe parce que je ne veux pas faire ria. » Je ne veux pas faire l'ostentation pour montrer que je suis un musulman. Je ne veux pas montrer ma religion. C'est entre moi et Dieu, puis je vais être plus sincère envers Dieu, donc je ne vais pas montrer rien de la religion extérieurement. Je vais cacher ma religion. Alors que ça, c'est des choses qui sont ordonnées par Allah dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'ordonne dans la sunna. Tu ne peux pas parler d'ostentation dans qu'est-ce qui est obligatoire. Hein? Non, ليس حديثا واحدا احاديث كثيره الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعفوا عن اللحى وقصوا الشوارب نعم هذا حديث وفي احاديث اخرى يقول خالفوا اليهود خالفوا النصارى اعفوا عن اللحى وجزوا الشوارب او قصوا الشوارب وهناك روايات كثيرة وهناك أحاديث أخرى كذلك وأدلة كثيرة من الشريعة ويعني celui qui veut savoir les preuves pour la barbe, il y a des hadiths, il y a le hadith que j'ai mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme c'est mentionné dans Sahih Muslim à propos de la parole de Omar, Abdullah ibn Omar, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laissez pousser la barbe et couper les moustaches, laissez pousser la barbe et couper les moustaches. Et il dit distinguez-vous des juifs, distinguez-vous des chrétiens, distinguez-vous des majus. Les majus qui laissaient une grosse moustache puis qui rasaient la barbe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de ne pas leur ressembler et de se distinguer d'eux. Et la majorité des juifs et des chrétiens, ils se rasent la barbe, ils laissent leur moustache, ou bien ils rasent même parfois la moustache. Mais le musulman, lui, il laisse la barbe. Il suit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'exemple de tous les prophètes aussi. Parce que tous les prophètes, ils avaient la barbe. Et aussi, il y a plein d'autres preuves qui sont mentionnées par les ulama à ce sujet-là. Oui, parce que, à moins que la personne, si par exemple la personne, elle est ignorante, elle ne sait pas le hukum shara'i, c'est ça. Si quelqu'un peut faire un péché parfois par ignorance, tu comprends? Donc si quelqu'un par exemple, il ne savait pas que quelque chose, il est haram, puis il le fait, est-ce que tu vas dire que son cœur, il n'était pas propre ou qu'il était corrompu? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. Mais du moment que tu lui as expliqué les preuves de la charia, que tu lui as clarifié le hukum, et qu'il a compris la position, la vérité là-dessus, puis qu'il continue à désobéir au messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la preuve que son cœur il n'est pas propre. Pourquoi? Parce que s'il était propre, il serait soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. De désobéir à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est grave. Il y a une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là. Donc le mu'min, quand il entend l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le met en exécution et il ne va pas contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bon, les gens aujourd'hui, bon, ils ne tiennent pas en considération de qu'est-ce qu'on a mentionné. Comme je te dis, on est tellement habitué de dire ou d'entendre les gens dire « mon cœur il est bon ». Même si je fais pas qu'est-ce que je dois faire, même si je fais pas ce que je dois faire et je fais ce que je devrais pas faire, mais mon cœur il est bon quand même. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est lui qui décide comment il est son cœur. Il pense que la personne elle pense que c'est elle-même qui décide si son cœur est bon ou non. C'est pas toi qui décide si ton cœur il est bon ou non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait si ton cœur il est bon ou non. Wallahu alimun bi dhati sudur. Hein? C'est Allah qui sait qu'est-ce qu'il y a dans les poitrines. Donc, et les munafiqoun, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ça c'est les hypocrites, ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Donc ça c'est le contraire de qu'est-ce qui est l'obligation, qu'est-ce qui est supposé d'être. Et donc le cheikh il dit qu'il ne faut pas donc prendre les hadiths dans le sens contraire de yani, qu'est-ce qu'il signifie réellement, et donc il faut comprendre les choses telles qu'elles sont. Si tu fais des bonnes œuvres, ça indique que ton cœur est bon. Si tu fais des mauvaises œuvres, eh bien ça indique que ton cœur il est mauvais. Et c'est ça que ces hadiths-là indiquent. Naam. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, à ce chapitre-là, et on mentionnera, on continuera au prochain cours, Inch'Allah, avec le chapitre suivant. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفيكم بركة إن شاء الله نعم C'est la même chose. C'est pas juste pour la barbe, c'est pour tous les actes d'obéissance. Que ce soit le hijab ou autre. Si une femme, elle connaît les preuves du hijab et que c'est obligatoire, elle a lu les adillas et les preuves dans le Coran et dans la sunna, puis qu'elle refuse de le porter, eh bien, ça, c'est la preuve que son cœur, il n'est pas bon. Son cœur, il est malade. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas musulmane, mais ça veut dire que son cœur, il n'est pas bon. Ouais, non, c'est ça. Ça peut être un cœur qui est malade, ça peut être un cœur qui est mort aussi. Mais ça dépend, ça, c'est Allah qui sait. Hein? Mais ça, c'est-à-dire qu'il faut voir, en fait, que si quelqu'un, il entend l'ordre d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il ne le met pas en application, l'ordre, ça veut dire qu'il y a un problème, ça c'est clair. Mais le degré de ce problème, il peut être différent d'une personne à une autre. Et dans la même personne, parfois. Si quelqu'un, par exemple, la personne qui a vu les preuves du Coran et de la Sunna à propos de quelque chose, puis elle le renie complètement. Elle dit, non, moi je rejette ça. Je ne suis pas d'accord que dans l'islam, la femme doit se voiler. Même si je vois les preuves dans le Coran et dans la Sunna, mais je suis contre le hijab, complètement. Et je veux rien savoir du hijab, et je trouve que c'est de l'injustice envers la femme, et des choses de ce genre. Celle qui dit ça, ça c'est du kufr. Ça c'est du kufr. Mais celle qui dit, Astaghfirullah, je sais que je devrais le porter, mais je suis faible, et j'ai pas encore assez de foi pour être capable de le mettre devant les gens. Je suis encore, comme si je me sens comme gêné encore de faire ça, ou j'ai pas encore la foi forte. Je demande à Allah de me pardonner. Je sais que ce que je fais c'est haram, que Allah m'aide, hein, et ainsi de suite. Celle-là, tu peux pas dire qu'elle est pas musulmane. C'est une musulmane, mais elle est asiya, elle est fasiqa. C'est une femme qui fait un péché, c'est une pécheresse. mais ce n'est pas une mécréante, c'est une musulmane. Hein? Donc il faut distinguer entre le fait de nier et le fait de reconnaître la vérité, de l'affirmer, mais de ne pas être capable de pas avoir mis en application l'ordre. Il y a une différence entre ces deux choses-là. Hein? Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أها.